Question 22. Je circule sur une route à caractère prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. À la prochaine intersection, je céderai le passage. Oui, réponse C. Non, réponse D.